Chapitre 21e. À mesure que la saison s'était adoucie, les visites à la rue Girardon étaient devenues de plus en plus agréables pour Geneviève. Le jardin s'était animé, égayé, se métamorphosant d'une semaine à l'autre. Un dimanche, là où 8 jours auparavant elle avait laissé la terre nue, elle avait trouvé une plate-bande de crocus épanouis, éclairant ce coin de jardin de leurs fleurs d'or. Le dimanche suivant, c'était une bordure de primevère qui avait fleuri, et Ernest lui en avait cueilli un bouquet qu'elle avait tenu frais pendant 8 jours sur son piano, renouvelant l'eau soigneusement tous les matins. Puis les arbres fruitiers avaient successivement commencé leur floraison. L'abricotier d'abord, dont les pétales voltigeaient dans l'air comme de petits papillons, quand la brise les détachait de leurs corolles, et les semait sur l'herbe verdissante, ou sur les jeunes feuilles à peine déplissées des lilas. Les cerisiers, les poiriers, les pommiers ensuite et successivement, si bien qu'à un certain moment, ce petit jardinet fut tout blanc dans un cadre vert formé par la haie des lilas qui cachait les palissades. Comme cela était joli, frais, charmant, féerique pour une enfant qui avait été élevée entre les 4 murs d'une chambre et qui n'avait jamais couru en plein air que sur un étroit balcon. Quelquefois, il est vrai, elle avait été à la campagne chez les limoniers. Mais dans le jardin d'Anière, il fallait être bien sage, ne pas courir de peur de mettre un pied dans la bordure, ne toucher à rien. Et puis il n'y avait personne pour jouer chez les limoniers. On restait gravement assis sous une tonnelle, et non moins gravement, on faisait à la queue-leu le tour du jardin, s'arrêtant pour regarder un légume ou un fruit nouveau, mis à l'étude, comme disait M. Lemonnier, mais ne le goûtant jamais que sur la table. Au contraire, chez Mme Farré, on avait la liberté de faire ce qu'on voulait, de courir partout, de toucher à tout. On ne s'asseyait pas, on ne marchait pas gravement dans les allées. Il y avait des camarades pour jouer, les gaspillères souvent, qui venaient avec elle. Ernest toujours, parce que le dimanche il avait fini la besogne de son journal de meilleure heure. Alors c'était des cris, des rires qui emplissaient le jardin. Une vie nouvelle, pleine de mouvement, de jeunesse, de joie, l'enfance qui commençait pour elle à l'âge précisément où la gravité vient aux petites filles. Quand on avait bien joué et qu'on était là, on s'asseyait au haut du jardin pour regarder le soleil se coucher dans un fond d'or au milieu d'un incendie qui semblait devoir dévorer le mont Valérien, et de là gagner sûrement Paris. Au moins elle s'asseyait avec Ernest, car les Guesfilaires n'avaient pas souci des couchers de soleil. Que leur importait qu'il y eût au ciel des nuages rouges ou cuivrés? Ils aimaient mieux aller dans la maison boire une tasse de lait de chèvre. Mais ces nuages intéressaient Ernest, et elle, cela l'amusait, la charmait de l'entendre, quand il lui parlait ainsi, doucement, de sa voix harmonieuse. Elle ne répondait jamais, mais elle l'écoutait, et quand, plus tard, seule, elle pensait à ce qu'il lui avait dit, c'était comme s'il lui avait ouvert les portes d'un monde nouveau et inconnu dans lequel elle se perdait. Comme il ressemblait peu à Luttant, à Florent, qui ne s'occupait jamais d'elle, ou qui la rembarrait quand elle leur demandait quelque explication. Lui, au contraire, se montrait toujours complaisant, toujours attentif, et avec cela si doux, si affectueux, un frère, et même mieux qu'un frère, car ni Luttant ni Florent n'étaient avec leur sœur ce qu'il était avec elle. Souvent il parlait du concours. « Vous verrez comme je vous ferai de beaux articles dans les journaux quand vous aurez votre prix, » disait-il. « Je pourrais peut-être vous en faire moi-même, je n'en resterai pas toujours dans les halles et marchés. » « Comme cela doit vous ennuyer. » « Oui, mais cela nous fait vivre, et c'est le grand point. Avant de penser à moi, à qui ça ne me plaît pas, je dois penser à ma mère. Cela est bon, n'est-ce pas, de gagner de l'argent pour ceux qu'on aime. Cela est doux, et en même temps, cela donne un sentiment de fierté. Mais j'espère bientôt sortir du suif, sans compromettre pour cela notre pain quotidien. Vous comptez sur vos mélodies que Luttant a mises en musique? Un peu, mais à vrai dire, pas beaucoup. Je compte qu'on s'apercevra que je peux plus que l'article aller marcher. Je compte aussi sur ma pièce qu'on finira peut-être par accueillir quelque part. Mais que ce que j'espère se réalise ou ne se réalise pas, cela ne m'empêchera pas de m'arranger pour que vous ayez une bonne presse. Il faut pour cela que j'aie ma médaille, l'aurai-je? Aux yeux de Farré, cela ne faisait pas de doute, car il avait pour le talent de Geneviève une véritable admiration, pour son sentiment aussi bien que pour son exécution, comme son jeu ressemblait peu à celui de Sophie Guesfiller. C'était un charme de l'écouter, comme c'en était un de la regarder. Aussi, lorsqu'il revenait de Paris, au lieu de prendre la route la plus courte, passait-il souvent par la place d'Ancourt et demandait-il à Madame de Mussidan la permission d'entendre Geneviève. Et cette permission lui était toujours accordée, car Madame de Mussidan éprouvait une très vive sympathie pour ce fils si bon et si affectueux, pour ce garçon de 20 ans ferme et courageux comme un père de famille, pour ce rude travailleur qui, après ses journées de fatigue, passait la plus grande partie de ses nuits devant sa table, où sa mère, qui se levait de bonne heure en vraie paysanne qu'elle était, le surprenait plus d'une fois le matin. Et malgré cela, encore enfant, cependant, tout jeune de caractère et de manière, joueur comme un gamin, et s'amusant tout le premier aux parties qu'organisaient les petites Guesvillers et Geneviève, malgré les railleries de Luttant, déjà vieillot et grave, qui ne voulait que se promener en parlant de ses futurs succès. C'était avec plaisir qu'elle jouait pour lui, non ses études monotones qu'elle abandonnait aussitôt, mais quelques morceaux qu'elle savait lui plaire. Un rondo, une sonate, des variations de Mozart, qui étaient pour lui le génie même de la musique, et dont il lui racontait la vie si touchante et si poétique quelquefois le dimanche, quand une ondée les obligeait à rentrer dans la maison. Il était le seul devant qui elle aima à jouer. Devant les Guesvillers, elle ne se sentait pas à l'aise, car dans leurs compliments, il y avait toujours quelques observations qui trahissaient un peu d'envie. Son père ne s'intéressait pas à ces choses-là, et sa mère admirait tout, même ses bêtises. Une de ses qualités était une mémoire rare qui lui permettait de n'avoir jamais la musique devant elle et de jouer tout ce qu'elle avait entendu. Un jour qu'elle avait ainsi exécuté un nocturne qu'il avait applaudi. « Vous trouvez donc cela bien ? » demanda-t-elle. « Tout à fait charmant, original, ému, touchant. De qui ? Devinez. Du Chopin jeune ? Oh, mais non, ce n'est pas si bien que cela. Jouez-le encore. » Elle le jouait une seconde fois. « Promettez-moi de n'en parler à personne, surtout Guesvillers, et je vous dirai de qui c'est. » « Alors c'est donc de... »« Eh bien oui. » « C'est-à-dire que c'est peut-être de moi, mais je n'en suis pas bien sûr. J'ai tant de musique dans la tête. Aussi, il ne faut pas en parler. On se moquerait de moi. Il n'y a qu'à maman et à vous que j'ose dire cela. » « Et Madame Raphaëlis ?»« Oh, jamais de la vie, Madame Raphaëlis. Elle dirait que je m'amuse. Et puis, Madame Raphaëlis, elle a des idées en musique qui ne sont pas toujours les miennes. » Le dimanche suivant, les Guesvillers étant occupés, elle avait été seule avec sa mère, rue Girardon, et après un bonjour affectueux à Madame Faré, elle avait couru, suivie d'Ernest, rendre visite à M. Quick-Quick et lui porter les provisions dont ses poches étaient bourrées, une salade, une pomme, des amandes, des carottes. Puis, le laissant à son repas, ils étaient montés au haut du jardin, et là, Ernest lui avait remis un papier plié en quatre. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Des vers que j'ai faits. Pour moi ? Oh, quel bonheur ! Oui, pour vous ? Pour que vous les mettiez en musique, s'il vous plaise ? Voulez-vous les lire ? Il était question là-dedans du printemps, des primes vertes, de la violette, des nuages, des couchers de soleil, avec une émotion personnelle, un peu vague, mais touchante précisément par cela même et par sa discrétion. « Oh, comme c'est beau ! » dit-elle avec enthousiasme. « Vous êtes contente ? Je suis fière. Mais jamais je ne pourrai faire de la musique là-dessus, c'est trop beau. Vous ne voulez pas essayer ? Oh, si ! » Et elle mit le papier dans sa poche, mais plusieurs fois dans la journée, il vit que tout en jouant, elle l'en tirait pour le relire. Bien entendu, jamais Madame de Mussidan et Geneviève ne dînaient rue Girardon, et même, elle devait être rentrée chez elle assez tôt pour que le dîner de Monsieur de Mussidan n'eût pas à souffrir de leur promenade. Un peu avant le moment du départ, Geneviève appela Ernest dans le jardin, et là, elle lui tendit son papier. « Vous ne voulez pas, dit-il, reprenez-le. Je les ai appris par cœur. Si vous voulez, je vais vous les dire. » Et ce fut sans une faute, sans une hésitation, qu'elle les lui récita.